format premier soin. Tout est chez Dipi. Faites-vous plaisir. Vivacité, il est 11h. On s'informe tout de suite avec vous, Delphine Vreux. Bonjour. Bonjour et d'abord, le prix de l'essence à la hausse demain, plus 2 centimes d'euros. Des chèvres, médicaments, bientôt en Wallonie, une société lance un élevage d'une centaine de bêtes. Les gènes ont été génétiquement modifiés et leur lait va pouvoir produire une protéine thérapeutique particulière servant à la fabrication d'un médicament à usage vétérinaire. Et ce produit sera utilisé par l'un des leaders au niveau mondial de la santé animale. On ne sait pas quelle est la maladie qui sera traitée. Information lue ce matin dans le journal Le Soir. L'élevage devrait être basé à Marlois, près de Marchand-Famène. Mais l'accord n'a pas encore été signé et il faudra 2 ans pour constituer le troupeau. 7 jours de grève annoncés par une partie du personnel de bord des trains Eurostar. 7 jours étalés sur 2 week-ends du mois d'août. La première vague va débuter vendredi à 00h01 et elle se terminera lundi 15 août à 23h59. Le personnel proteste contre ses conditions de travail selon un syndicat britannique. Les incendies qui ravagent l'île portugaise de Madère ont fait 3 morts la nuit dernière. Un immeuble a pris feu près des quartiers historiques de la capitale régionale. Plus de 1000 personnes sont évacuées et parmi elles des touristes. Un hôtel a brûlé et des hôpitaux ont eux aussi été évacués. Le feu s'est déclaré lundi sur les hauteurs de la ville. La situation s'est brusquement dégradée hier soir, des vents forts balayant l'île. Médaille à la main, mais l'œil salement amoché, Dirk Van Tickeld est l'un des meilleurs judokas au monde. Il a pris un sale coup en tentant de poursuivre une fille qui avait volé le téléphone d'un de ses proches. Elle s'est réfugiée dans un hôtel et une bagarre a éclaté mardi soir. Le sportif a pris un coup, dit-il, en tentant de séparer tout le monde. Le médaillé a d'abord déclaré avoir reçu ce coup à l'entraînement parce qu'il aime les jeux et parce que Rio, dit-il, est une ville magnifique. Ma version semblait possible, reconnaît le sportif, avant d'ajouter que pour lui l'incident est clos et qu'il veut à nouveau profiter pleinement de sa médaille. La météo, 16 à 18 degrés dans le centre du pays, et pas plus aujourd'hui. Et la nuit sera fraîche pour ne pas dire froide, 3 à 5 degrés en Ardennes. Demain, nuageux avec quelques averses, alors autant penser au week-end qui sera bien ensoleillé et avec plus de 25 degrés. Et c'est calme sur les routes, Jean-Marc Strel. Oui, avec tout de même 2 infos. La première, sans surprise, c'est ce chantier sur le 40 à Herpemer. Vers Ostende, ça coince comme chaque jour. Vous perdez 25 minutes actuellement, donc en direction du littoral. Et entre Merelbeek et Mel, vous perdez 5 à 10 minutes en direction de Bruxelles. Et puis, un accident confirmé par la communauté Coyote s'est produit sur le 314, Louvain-Mass-Mechelen, au kilomètre 80.8 à hauteur de Hérin. La bande de gauche est neutralisée avec des files sur 3 km en direction de Mass-Mechelen. Et puis un petit coup d'œil sur l'incident dans Bruxelles. Oui, le tunnel Terveren s'est confirmé et toujours fermé actuellement dans les 2 sens. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et un air de vacances est reparti avec Stéphane Piedbeuf. Et oui Delphine, je vais me permettre de vous tutoyer juste 2 secondes, je peux? Bah en même temps, autant Delphine, dire la vérité, on se dit tu ici. Delphine, tu sais... Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchons sur le Je te remercie. C'était l'automne. On se voit tout à l'heure en automne à midi pour le prochain point sur l'actualité. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h. Avec Stéphane Piedbeuf. Ah bah vous l'avez compris, le tube de l'été aujourd'hui, enfin un des 2 tubes de l'été aujourd'hui, sera bien sûr le titre « L'été indien » de Joe Dassin. Ce sera tout à l'heure. On va vraiment bien s'amuser aujourd'hui. On ira où tu voudras quand tu voudras. C'est le moment de déclarer votre flamme, hein. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera. Le clip est déjà sur vivacité.be, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, il n'y aura pas que Joe Dassin, je vous rassure. Il y aura des cadeaux. On va vous emmener à Peridaisa aujourd'hui et on vous offrira même un rail pass de 10 trajets à valoir 1 an après sa première utilisation avec la SNCB. Les People en vacances, on appellera Natacha Saint-Pierre tout à l'heure à 11h30. Et puis Nicolas Xavier Ladouce nous livrera la météo des plages et de vos vacances. Et on va commencer par une chanson d'amour, encore une fois, Gérald de Palmas, Le jour de nos fiançailles. Un air de vacances sur Vivacité. Je prends les choses comme elles viennent.

Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Dans un instant, nous allons appeler Natacha Saint-Pierre en direct sur Vivacité, dans les People en vacances. Ce sera juste après la météo des plages et de vos vacances avec Nicolas-Xavier Ladouze qui arrive dans quelques secondes. Vivacité présente Flamme, du 11 au 13 août au château de Beaumale. Une balade théâtrale familiale, magique et bucolique, illuminée de plus de 1500 bougies. Chaque soir, concerts folk, produits régionaux, animations et feux d'artifice. Info www.flamme.be avec l'avenir et la Wallonie. Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Topitz, astuce congélation du jour. Nous, laisse la congélation Topitz tenant droit spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en eau remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Topitz. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Eh oui, on est reparti avec MC Maker, G et DJ Sven. Et surtout Nicolas-Xavier Ladouze, voici votre météo des plages et des vacances. Cap sur le littoral, voici la météo de la mer. Bonjour Nicolas-Xavier Ladouze. Salut Stéphane, et bien au littoral, comme ailleurs aujourd'hui, ce sera assez agité avec des averses qui ont émaillé cette matinée et dans le courant de l'après-midi. La bonne nouvelle, c'est que le littoral sera la première région belge à être débarrassée des averses. C'est là que le temps va commencer à s'améliorer, devenir plus sec. Le ciel va s'ouvrir aussi avec retour d'éclaircies. Par contre, l'air polaire se fait sentir là aussi. On aura seulement 17 degrés aujourd'hui sur les différentes localités du littoral belge. Autrement dit, il fera plus chaud dans l'eau que dans l'air, puisque dans l'eau, on attend 18 degrés. Quant au vent, il sera assez bien soutenu. Un vent de secteur nord. Nous n'allons pas partir bien loin maintenant, afin de faire plaisir à Mireille et Albert, qui souhaitent profiter du week-end du 15 août à Durbuy, la plus petite ville du monde. Un beau week-end romantique en perspective. Le soleil sera-t-il de la partie, Nicolas-Xavier? Mais oui, il sera de la partie. Mireille et Albert, vous avez bien fait de rester chez nous pour ce 15 août, parce que, eh bien, le soleil, en effet, sera des nôtres. Grâce à une hausse de la pression atmosphérique, nous serons à l'abri des perturbations, donc franc soleil et puis températures qui vont grimper, puisqu'à partir de dimanche sur la Belgique, eh bien, on attend des valeurs comprises entre 25 et 30 degrés. Difficile encore, à l'heure qu'il est, de donner une température précise pour la plus petite ville du monde, la plus belle aussi. Eh oui, merci beaucoup Nicolas-Xavier. On vous retrouvera tout à l'heure avec d'autres demandes qui arrivent par SMS ou encore sur notre site internet vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances et il y a le formulaire de contact qui vous permet de demander la météo de votre lieu de villégiature. C'est le moment de gagner votre Rail Pass SNCB. Et oui, c'est génial, c'est 10 trajets au choix. Vous utilisez ce Rail Pass quand vous le désirez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez. Il n'y a pas de limite d'âge et c'est valable un an à partir de la première utilisation. Si vous ne connaissez pas bien le Rail Pass, vous pouvez aller voir sur letrain.be pour avoir toutes les infos. Et on va vous l'offrir maintenant. Et vous allez nous envoyer par SMS au 6003 afin de le remporter. Le mot rail, tout simplement, hein, on va pas faire compliqué. Vous envoyez rail au 6003 pour 75 centimes. Et dans quelques instants, hein, après Lucas Graham, on va vous appeler en direct pour vous offrir ce fabuleux Rail Pass. Bonne chance. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed. Was okay. wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, merci d'écouter Vivacité. Dans un instant, appelez en direct Natacha Saint-Pierre pour les People en vacances. Il y a encore plein de musique, toute la musique que vous aimez, bien sûr. Il y aura par exemple Grégoire et Jean-Jacques Goldman avec La Promesse dans quelques instants. Et puis on ira faire un petit tour sur les routes aussi avec Jean-Marc Strail. Mais là, immédiatement, puisqu'on a mis en jeu un Rail Pass, on va l'offrir, ce Rail Pass SNCB. 10 trajets au choix. Vous utilisez ça quand vous voulez, vers où vous voulez, pour qui vous voulez. Et c'est valable un an après la première utilisation, c'est vraiment un chouette cadeau. Et on compose votre numéro, quelqu'un qui a envoyé Rail par SMS, vous étiez une fois de plus très nombreux. Alors évidemment, si vous décrochez pas, ça va être compliqué de vous l'offrir, ce Rail Pass. Bon. Ben, c'est fou ça, on a lancé le concours il y a 3 minutes. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, vous êtes bien sur le GSM de Laura. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi votre message. On va lui laisser un message. Essayez plus tard. Génial. C'est original. Et le message, il arrive. Ah, voilà. Bonjour Laura. Vous étiez sur Vivacité. Enfin, vous n'étiez pas sur Vivacité. C'est votre répondeur. Il est très original. Malheureusement, vous venez de passer à côté du Rail Pass. C'est dommage. On réessayera pas plus tard. On appellera quelqu'un d'autre ultérieurement. Voilà ce qu'on va faire. Passez quand même une belle journée et un bel après-midi tout à l'heure. Bon, allez, on va sur la route. Jean-Marc Strail, pas de répondeur, s'il vous plaît. La personne que vous essayez. On a encore quelques ralentissements sur le 40, sans surprise, Bruxelles-Ostende avec ce chantier à Herpemer qui finit ce week-end, ça c'est la bonne nouvelle. Mais vers Ostende, ça coince toujours. Donc à Herpemer, vous perdez 20 minutes en direction de Bruxelles dans l'autre sens, en direction d'Ostende, pardon, 20 minutes en direction d'Ostende vers Bruxelles, ça coince. Et là, vous perdez maximum 10 minutes à partir de Merelbeek. Un accident toujours en cours, les suites sur le 314 Louvain-Mass-Mechelen à hauteur des Rentes, la bande de gauche est neutralisée. Il y a 4 km de file en direction de Mass-Mechelen. Et du côté de Bruxelles, l'incident est terminé. Le tunnel Terburen est à nouveau ouvert dans les deux sens. Merci Jean-Marc. On était quelques hommes, quelques femmes rêvant de liberté. On n'était pas à vendre, mais on pouvait revendre des montagnes d'amitié. Le cœur en bandoulière et les bras grands ouverts à tous les étrangers. On n'avait pas de peur, on sentait la chaleur qu'on savait se donner. Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort. vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. On était plein d'ardeur et l'on sortait vainqueur de nos pauvres blessures. Quand les pleurs étaient lourds, on se trouvait toujours une voix qui nous rassure. On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure. On n'avait pas de maître, la seule à nous soumettre était la mère nature. Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles et quitte à y rester. Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage. Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, n'oubliez jamais qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse. S'il n'en reste qu'un, nous serons ce dernier. Même au fin fond du désert, on aidait les plus faibles à ne jamais tomber. Même au milieu des chimères, on y croyait plus fort quand le courage manquait. Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelle que soit mon histoire, non je n'oublie jamais. Et aujourd'hui encore je refais la promesse. Nous serons ce dernier. Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse, quelles que soient vos histoires, ne m'oubliez jamais. Et si un jour je tombe, faites-moi cette promesse. S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier. Ce dernier. Ce dernier. La promesse, Grégoire et Jean-Jacques Goldman sur Vivacité. Décidément, tout le monde est sur répondeur aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, il est 11h30. On va essayer d'offrir ce fameux Rail Pass de 10 trajets, voyage SNCB, le train.be pour toutes les infos. Et ça sonne chez quelqu'un. Le numéro se termine par 26. Et c'est un 0471. Ça, vous savez tout. Allô ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Y a quelqu'un ? Oui, je vous écoute. Allô ? Oui, allô ? Ah, visiblement, il n'y a personne. On va... Ah si, je suis là. On va devoir appeler quelqu'un d'autre, malheureusement. Allô ? C'est dommage, hein, on n'a vraiment pas de chance avec ce Rail Pass. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, tout à fait. Bah enfin, j'entends rien. On va rappeler un autre numéro. Écoutez, on va appeler quelqu'un d'autre, hein, malheureusement. Je vous appelle. Cette personne ne nous entend pas. C'est... Si, si. C'est... Je vous entends, monsieur. Allô ? Oui, Stéphane ? Ah, allô, oui ? Allô, Stéphane ? Oui, c'est moi. Ah, je vous taquine, quel est votre prénom ? C'est vrai ? Oui, c'était une blague, je vous entends. Allez. Quel est votre prénom ? Marie-Christine. Ça va, Marie-Christine ? Tout à fait. Alors, vous êtes dans quelle région ? Bruxelles, Auderghem. À Auderghem. Oui, à Auderghem. Vivacité sur 99.3. Tout à fait. Ça fait plaisir de vous parler et ça fait plaisir que vous ayez décroché surtout. Je vous offre un Rail Pass SNCB de 10 trajets. Alors vous pouvez l'utiliser vers où vous souhaitez, en Belgique bien sûr, pour qui vous voulez, hein, même plusieurs personnes, oui, etc. Vous pouvez faire une excursion par exemple. Vous avez déjà une petite idée d'un endroit en Belgique que vous souhaiteriez visiter ? Oh ben écoutez, j'ai de la famille dans les Ardennes et ma fille habite du côté de Vilvoorde. Donc j'ai de quoi circuler partout en Belgique. Ah bah c'est génial. En tous les cas, on va vous envoyer ce Rail Pass avec beaucoup de plaisir. Oh, écoutez, ça me fait plaisir aussi. Merci d'écouter Vivacité, d'accord. Eh bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Ah bah, gros bisous, je vous embrasse très fort. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour la petite blague. Bisous, au revoir. Oh mais non, écoutez, mais j'ai quand même stressé un petit peu. Ça fait du bien un peu d'adrénaline. Et voici Koons voilà. Pour les vitamines. C'est This Girl sur Vivacité. On embrasse Marie-Christine. Dans un instant, un groupe belge, Vaïakon Dios et Just a Friend of Mine. Et tout à l'heure, dès 13h sur Vivacité, ce sera l'été du bon côté, bien sûr, avec Émilie de Kegel qui est là. Ça va, Émilie ? Ça va super. Que pensez-vous de notre petit tapis musical, comme on dit dans le jargon, la carpette, ce qui... Moi, j'aime bien. Ce qui soutient notre voix. Ça, c'est un son typique des années 80 qu'on adore, ouais. Avec le sample de Madonna derrière. Exactement. Ça fait penser à Holiday. Bah oui, c'est Holiday Rap, hein, avec les deux DJ hollandais, MC Mike Urgy et DJ Sven. Bah, ils étaient justement à la maison la semaine passée, on a passé vraiment un bon moment. Tiens, Natacha Saint-Pierre est disponible, on va la rappeler juste après pour les people en vacances, mais d'abord on va parler du sommaire de l'été du bon côté. Tout à fait, alors nous allons parler une fois encore dans l'été du bon côté d'un concept qu'on a un petit peu tendance à oublier cet été en Belgique. Il s'agit du bronzage. Ah. On va parler du bronzage. Et vous êtes sûr que c'est un sujet qui est top là? Oui, parce qu'il faut rester positif. On nous annonce un super week-end, oui, donc ce serait dommage d'en ressortir et de revenir mardi, parce qu'on est quand même très nombreux à faire le pont, heureusement, avec des taches rouges et un capital épidermique et de peau qui part, parce qu'en fait c'est un capital qui part mais qui ne revient jamais. Donc il faut faire attention à sa peau et nous allons en parler avec Pierre-Dominique Guilin qui est dermatologue. Donc on va essayer de bronzer en toute sécurité. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que si il ne fait pas super beau ces jours-ci, il y en a beaucoup qui partent, il y en a beaucoup qui reviennent, et normalement le soleil devrait revenir aussi un jour ou l'autre. Donc il faut quand même se prémunir et, oui, et comprendre, c'est important de se protéger du soleil, hein. Comprendre certaines choses. Et même si le soleil n'est pas là avec un ciel bleu, il passe quand même au travers des nuages, donc il faut quand même faire attention à sa peau aussi. Mm-hmm. Donc nous allons en parler. Bronzer, c'est avant tout se protéger. Ce sera un petit peu le leitmotiv de cet après-midi à partir de 13h. Si vous avez des questions, alors il ne va pas s'agir non plus de consultation par téléphone, hein. Si vous avez une tache sur la peau, notre dermatologue qui sera là ne va pas pouvoir vous aider là tout de suite. Oui. Mais par contre, on peut faire en sorte que ça se passe bien pour vous, pour vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà venir nous rejoindre via la page Facebook de l'émission. Et dès maintenant aussi par SMS, hein, si vous le souhaitez. Voilà, c'est via le 3063 pour un demi-euro l'envoi de messages. Vous reviendrez tout à l'heure avant 13h pour le top 3 de l'Australie. C'est ça. Voilà. On va bien s'amuser, encore une fois. Un top 3 australien, est-ce que ce sont des tubes européens aussi ou pas? Moi, je me demande s'il n'y a pas Sia, parce que Sia, elle est originaire de là-bas. Ouais. Je vais voir. Ah, peut-être que Sia aussi. On ira aux États-Unis aussi, dans le hit parade. Ah ouais, tiens. Les autres pays. Voilà. Aux États-Unis d'Amérique. Bon, Émilie, oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour faire le plein de vitamine D dans l'été du bon côté, vous l'aurez compris. He said, baby, what's your name? Are you new in this town? Since you walked in, things don't look the same. How about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kind of dry. Funny smile. She said, he's just a friend of mine. Just a friend of mine. Just a friend of mine. They talked a little, drank a lot as the evening went by. The place got crowded and the air too hot. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft as they walked side by side. He said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine. Just a friend. Danny Klein et le groupe Vaya Con Dios qui a tiré sa révérence à Forêt Nationale, c'était l'année dernière ou il y a un peu plus longtemps. C'était Just a Friend of Mine. Et nous avons rendez-vous avec Natacha Saint-Pierre tout de suite sur Vivacité. Bonjour Natacha. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien et vous? Mais très très bien, on vous a vu au beau vélo de Ravel à Nivelles, super souvenir. Oui. Et là maintenant c'est les People en vacances. On va commencer, ouais, d'emblée par parler musique, hein, puisque c'est votre spécialité. Quelle est la chanson, oui, Natacha, qui représente le mieux l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été préféré. Alors, ça peut être celui de cette année, ça peut être des années antérieures. Ouais. C'est très étrange parce que ça fait trois étés de suite que j'écoute l'album de Viva con Dios et on vient de les entendre, donc je trouve ça assez marrant. J'aime bien parce que ça, c'est une ambiance qui va bien avec les apéros, avec le flânage au bord de l'eau, enfin ça se mélange à tous les ambiances estivales. Oui, effectivement. Vous partez cet été en vacances? Cet été, je suis en fait dans les Landes, donc je pars pas très très loin, mais comme on a l'océan, c'est très vite vacances. Hein. Ouais, génial. Puerto Rico. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Oh, j'ai plein de beaux souvenirs de vacances, mais je vais être très chauvine. Je pense que mes plus belles vacances, je les ai passées sur la plage de U-Haul au Nouveau-Brunswick, là d'où je suis originaire en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plage? Eh bien, elle n'a rien de particulier, mais je pense que comme je la connais depuis que je suis toute petite, elle a un parfum particulier pour moi, parce que le sable n'y est pas particulièrement doux, mais il est beau. L'eau n'y est pas du tout particulièrement chaude, surtout quand on parle à des Européens. Mais moi, j'aime bien cet endroit parce que j'y ai joué avec mes cousines, j'ai fait mes premiers trous dans le sable, j'ai cherché mes premiers coquillages, j'ai fait mes premières bégades dans cette mer. Donc, pour moi, elle a quelque chose de particulier, mais je pense que c'est que pour moi. C'est une vraie Madeleine de Proust, donc. Exactement. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel? Je suis plus hôtel. Piscine, mer ou montagne? Mer. La météo idéale de vos vacances? Je dirais entre 25 et 30 degrés. Au-delà, j'ai trop chaud. En deçà, je mets des pulls. Votre apéro ou votre cocktail préféré de l'été? Moi, j'aime bien les smoothies, en fait, les mélanges de fruits qu'on fait selon ce qu'on a comme fruits. L'été, on achète beaucoup de fruits. En tout cas, nous, on achète beaucoup de fruits. Des fois, on n'a pas le temps de les consommer. Et du coup, avant qu'ils soient mauvais, ben, on fait des smoothies. D'accord. Et votre plat préféré? Mon plat préféré des vacances? Ah, je dirais que c'est un taco dip. C'est une recette qui me vient de ma mère. Alors, il va falloir expliquer parce que le taco dip. Ouais, non, wow. Vous connaissez pas. Non. C'est un mélange de steak haché qu'on a cuit et qu'on met au fond d'un plat. Mm-hmm. Par-dessus, on met des tomates, des dés de poivrons rouges, verts. On met du fromage en crème, je ne dirais pas de marque, mais bon, vous voyez bien. Oui. Qu'on mélange avec une soupe aux oignons lyophilisée et après, on met du fromage cheddar par-dessus, on fait gratiner le tout. Voilà. Il y a votre petit bout, il veut absolument faire de la radio. Exactement. En fait, comme papa est parti surfer, hein, parce que c'est les vacances, oui, c'est au tour de maman de jouer avec le petit bout. Et là, maman joue pas trop en ce moment-là. Eh oui, elle vous appelle. Bon, on va faire vite alors, hein, parce que ça risquerait d'être un peu désolant pour lui. La glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum? Ah, fraise. D'accord, sans hésiter. Très fille en fait. Hein. Ouais. Tiens, chez nous en Belgique, c'est un pays que vous connaissez bien, la Belgique? Oui. Alors. Bah oui, je connais bien parce que j'y ai passé pas mal de temps, j'aime beaucoup même. Ouais, alors justement, où vous sentez-vous le plus en vacances en Belgique? Entre Liège et Bruxelles, mon cœur balance parce que j'aime beaucoup ces deux villes. Je connais des beaux hôtels dans ces deux villes. Je connais des gens sympas dans ces deux villes. Mmh. Alors, je vais me balader entre les deux. Hein. D'accord, donc le 40, quoi, Liège-Bruxelles. Voilà. Ok, parking de Warem, sympa. Il y a des smoothies sur l'air de repos. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, la rentrée, elle va être rythmée comment pour vous? La rentrée, elle va se passer entre préparation d'un nouveau projet d'album, entre mon jeu de maman encore, hein, qui continue évidemment, et les cartons, puisque j'emménage en fait dans les Landes définitivement, et du coup j'ai pas mal de cartons à déballer. D'accord, on va vous souhaiter une merveilleuse rentrée, un bon emménagement, profitez bien de votre petit bout. C'est gentil, merci à vous. Et à très bientôt, quand vous le souhaitez sur Vivacité, dès que vous sortez un truc, il faut absolument qu'on soit au courant, d'accord? À bientôt, il y a Bichente qui vous salue. Et ben voilà, gros bisous à Bichente. Salut Natacha, au revoir. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Salut, c'est Anouar. Je suis très heureux de revenir cet été sur le Beau Vélo de Ravel. Je vous attends en pleine forme ce samedi 13 août à Namur pour partager un bon moment tous ensemble. Luigi Scott et Tima se joindront à la fête. À samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 13 août à Namur. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur La 2. Viva

Vous aimez vivre ici ? Nous aussi. Alors cet été, Vivacité vous parle d'ici. Et ici aussi ? Oui, ici. Non, par ici. De 15h à 17h, tous nos animateurs mettent en avant le meilleur de leur région avec Marc Vernon sur Vivacité. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Tente Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit. Mais c'est une tente quoi. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors ? Ah bah non, on sera obligé de venir là tout le temps. Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Mais c'est pas pareil. Là si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping. Pastis parsembleu ! Pastis délicieux ! Oh ! On attend pas Patrick ? Eh oui ! L'été, c'est la saison idéale pour se mettre au camping. Et pour cela, il vous faudra une tente. Mais une bonne tente. Mais Aurore Salsano, comment la choisir cette tente ? Comme souvent, on pourra vous répondre que cela dépend de vos besoins. Il faut être attentif à plusieurs critères. D'abord, le montage. Les tentes sont de plus en plus pratiques à monter. Cela va de la tente autoportante, qui tient seule sans être fixée au sol. On peut alors la déplacer facilement, contrairement aux tentes fixes, qui s'affaissent dès que vous lui enlevez ses attaches, jusqu'aux tentes pop-up qui se déplie en 2 secondes. En général, ça va moins vite pour les replier. Elles sont par contre moins résistantes au vent, autant le savoir. La principale question à vous poser est, est-ce que je vais laisser ma tente au camping ou au contraire la monter et démonter tous les jours au gré de mes étapes ? Autre question à vous poser, la saison. Il existe des tentes 4 saisons qui affrontent absolument tous les temps, des tentes 3 saisons qui supportent tout sauf l'hiver et les 2 saisons qui sont plutôt à conseiller pour le printemps et l'été. Au moment de l'achat, il faudra aussi trancher pour le nombre de personnes. Attention, les indications du fabricant sont souvent un peu justes, surtout si vous comptez garder vos sacs à l'intérieur. Une bonne astuce est de choisir une tente avec abside. C'est l'espace qui se trouve à l'avant de la tente, abrité par le double toit. C'est un espace de vie en plus non négligeable, surtout si la météo n'est pas de la partie. Enfin, et c'est certainement un élément capital si vous comptez porter votre tente sur le dos, pensez au poids. Il existe des matériaux extrêmement légers, mais ils sont en général plus chers. Il faut compter pour les modèles light 1,5 kg à 2 kg pour 2 personnes. Pour ce qui est des prix, là aussi, il y en a un peu pour tous les goûts. Vous trouverez des modèles pop-up à moins de 50 euros et ça peut monter jusqu'à plus de 1000 euros pour un grand modèle haut de gamme. We'll be right back. Want to Have Fun, c'était Cyndi Lauper. L'actualité arrive dans quelques secondes. Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Tu le vends sous Elements? Moi j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui, j'ouvre déjà la sauce samouraï. Oui. La samouraï qui fait parler d'elle, la voilà. De vos Slimans. À table. Il est midi. Place à l'information avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, c'est une idée et en même temps un sacré pavé jeté dans la mare. Le syndicat Neutre pour Indépendants voudrait un point de contact pour dénoncer les faux malades. Et c'est une proposition de loi d'une députée de la NVA. Le syndicat va très loin. Écoutez sa présidente, Christine Mathéus. Il n'y a pas des statistiques exactes, bien entendu, mais malheureusement, c'est quand même très bizarre qu'il y a pas mal des gens qui sont malades le lundi ou le vendredi, surtout quand il fait beau, c'est quand même bizarre. Et donc, c'est quelque part pas toujours facile pour les médecins à savoir s'ils sont vraiment malades ou pas, parce qu'il y a quelques maladies qui sont très facile à savoir si c'est vrai ou pas, mais il y a d'autres, par exemple des stress, burn-out et d'autres qui sont plus difficiles, mais on doit quand même savoir qu'il y a quelques médecins qui donnent plus facilement un certificat médical que d'autres. Et c'est pour ça qu'on dit on doit avoir un point où on peut un point de contact pour dénoncer les fausses en écriture au sein de l'INAMI. La présidente du syndicat Neutre pour Indépendants, elle était jointe par Yasmina Favaro. Les mesures de sécurité dans la police vont-elles être repensées, uniformisées? Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, reçoit les syndicats de police. Hier, il a rencontré les représentants des polices locales et de la police fédérale, avec l'OCAM aussi, l'organe qui détermine le niveau de la menace terroriste dans le pays. Depuis des mois et encore plus depuis samedi, les syndicats ne sont pas satisfaits des mesures qu'ils concernent. La réunion est toujours en cours et rien ne filtre. Trois jours de grève dès vendredi, le personnel de bord des trains Eurostar, le personnel anglais proteste contre ses conditions de travail et il va faire grève durant 7 jours. Le mouvement s'étale sur 2 week-ends. Vendredi, un aller-retour Bruxelles-Londres sera déjà supprimé. La direction et les syndicats anglais négocient encore. L'enquête sur l'attaque terroriste dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie et un homme qui est placé en garde à vue depuis lundi à Toulouse. Selon BFM TV et iTélé, les analyses des téléphones ont mené les enquêteurs sur sa piste et ce suspect aurait aussi fait un aller-retour entre Toulouse et Saint-Étienne-du-Rouvray les jours précédant l'attentat. Aux Jeux Olympiques de Rio, plusieurs Belges à suivre aujourd'hui. En tennis, David Goffin jouera son troisième tour face au Brésilien Thomas Bellucci. À suivre aussi la natation et Fanny Lecluse pour les séries du 200 mètres brasse. En escrime, Sepp van Olsbeek dispute le tournoi de sabre. Il affronte un Américain, Derwich, et le Belge est impatient. Écoutez comment il perçoit ce premier combat. J'espère que le match va aller comme dans ma tête. Donc je veux dire, quand je gagne ce match-là, je pense que tout est ouvert. Les Jeux Olympiques, c'est une compétition très dure, seulement 32 tireurs, les plus beaux du monde. C'est toujours un outsider qui gagne une médaille. Donc j'espère que c'est moi. Hein. Une interview de notre envoyé spécial David Bertrand, on l'espère aussi. Hein, et le match débutera aux alentours de 18h. Une dernière information, service, le prix de l'essence à la hausse dès demain, plus 2 centimes d'euros. On part sur les routes. On retrouve Jean-Marc Strel, c'est toujours aussi calme? Oui, il y a deux infos. Un accident qui s'est produit tout à l'heure sur le 313 Liège-Anvers à hauteur de Ranst avec une circulation quelque peu ralentie en direction d'Anvers. Et quelques ralentissements également observés sur le 40. Il y a Bécalais sur 3 km et vous perdez un bon quart d'heure. C'est en direction du poste frontière. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On ira.

vieille de plus de 3 siècles quand même. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que donc, non seulement elle était peinte sur le ton rouge classique de la Chine du Sud, mais elle est encore plus authentique que l'original. Pourquoi ? Parce qu'elle a été bâtie d'après les plans initiaux des architectes. Voilà, c'est donc un magnifique lieu où vous allez pouvoir eh bien, vous détendre, boire un thé par exemple, et puis profiter de toutes les autres activités, tous les autres animaux à Peridaisa. Bref, on vous y emmène, c'est à Cambron-Castaux, à Brugelette, c'est juste délicieux. Et pour gagner, c'est une fois de plus le jeu de plage compliqué avec une seconde pour reconnaître un artiste. Oui, en une seconde, vous devez reconnaître un artiste. On va écouter cet artiste maintenant, enfin une seconde d'une chanson, cet artiste. Et donc il faut l'identifier et envoyer la bonne réponse, donc le nom de l'interprète de la chanson, donc la chanteuse, le groupe, le chanteur, au 6003 pour 75 centimes d'euros, l'envoi de message 6003. Et on a quand même reçu des mauvaises réponses par SMS. Alors je peux déjà vous dire, à vous qui nous écoutez et qui prenez l'émission en cours de route, que ce n'est pas Jane Birkin, ce n'est pas non plus ABBA. Vous nous avez proposé France Gall, ce n'est pas ça, ce n'est pas Daniel Balavoine. Voilà, il y a quand même quelques mauvaises réponses, donc soyez quand même attentifs. On réécoute encore une fois l'extrait. Voilà, c'est normalement un truc que vous devez connaître, hein, ou pas, hein. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous passez votre tour et il y aura d'autres entrées dès demain. On nous a proposé Barry White aussi. Bref, avez-vous la bonne réponse ? C'est maintenant qu'il faut réagir par SMS 6003 et à vous Peridaisa. Koa Koa, Koa c'est la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage des Wai. Le Monde Sauvage des Wai, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Samouraï, Dame, Tomasenko, Ablaï Sissoko et Constantinople, Lula Pena, une carte blanche à Manu Hermia, Trick Track Trio et Polairement, Diab Quintet, Refugees for Refugees, des stages, des concerts gratuits intra et extramuros. Le Festival d'Art de Huy, musique et voix du monde. Du 20 au 24 août. Info, huyartfestival.be. Avec l'avenir et vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Où tu voudras, quand tu voudras. C'est beau. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Et à 12h12, c'est l'heure de notre deuxième tube de l'été. L'été indien de Joe Dassin. C'est le plus grand succès de Joe Dassin, à tel point que le titre sort dans 25 pays et est traduit dans plusieurs langues. Il s'agit à la base d'une composition de Toto Cutugno pour le groupe italien Albatros. Et à l'affût d'un titre fort pour relancer sa carrière, le directeur artistique de Joe Dassin est séduit par ce titre original avec ses couplets qui sont parlés sur des chœurs chantants qui marqueront l'été 1975. Montez le son, soyez romantique. Voici l'été indien de Joe Dassin sur Viva. Cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Et allez voir le clip sur le site internet vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances. Joe Dassin, notre deuxième tube de l'été. Tiens, tout à l'heure, il sera question de tube de l'été puisqu'on va appeler le créateur de cette chanson. Écoutez. Bailando, bailando, amigos, souvenez de Paradisio. Ouais, et bien Patrick Samois sera notre invité dans les People en vacances à 12h30 et il nous parlera d'une version remix de Vamos a la Playa notamment. On va bien s'amuser avec lui. Patrick sera là pour les People en vacances. C'est vrai que c'était grandiose, hein, Paradiso. Je sais pas combien de millions de disques vendus. On va faire le calcul là, d'ici quelques minutes, mais ça nous a marqué. Bon, lui c'est le tube de cet été. Il s'appelle Enrique, un certain monsieur Iglesias. Un peu connu comme ça, hein. C'est une petite star qui monte, qui risque de faire encore plus parler de lui, comme son papa d'ailleurs, hein, Julio. Voici Duel El Corazon et le saladier bien-aimé. Et puis Nicolas Xavier Ladouce sera là pour la météo des plages et de vos vacances. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Bon temps de midi avec nous sur Vivacité. Dans un instant, la météo des plages et de vos vacances. Et puis, Bailando Paradisio, le créateur, sera là dans les People en vacances. Ce sera Patrick Samoy. Ouvrir des portes à vos enfants, c'est le but de Saint-Roch, Te et Spa. Que ce soit celle de l'enseignement supérieur grâce à nos sections générales ou un accès direct vers un métier grâce à nos formations qualifiantes. Les débouchés, puériculture, secrétariat ou nouveau cette année, gestion de très petites entreprises. Découvrez dès maintenant toutes les infos sur nos deux écoles en visitant saintroch.be. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. Chérie ! Bonjour. Oula, vous êtes qui, vous ? C'est moi, ta femme, mais en version upgradée. Ah ouais ? Un petit massage pour chasser tout ce vilain stress. Oh, allez, viens, mon animal. On monte, ne faisons pas attendre ma meilleure amie. Ouh. Et pourquoi ne pas upgrader aussi votre vie avec un break Mercedes classé de chez Nearly New Car, par exemple. Vous en trouverez déjà un au prix indécent de 17 999 euros sur nnc.be. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et oui, c'est le retour de la météo des plages et de vos vacances. Nicolas-Xavier Ladouce, vous êtes de retour afin de dévoiler la météo des vacances des vacanciers de Vivacité. Johanna et Pierre s'envolent pour Lanzarote demain. Oh, y en a qui ont de la chance quand même, Stéphane. Lanzarote, c'est vraiment formidable comme île, au niveau de la météo aussi, puisque les pentes très douces de l'île retiennent très peu les nuages et donc très peu l'humidité. Vous savez qu'autour des vignes, à Lanzarote, on construit des murets circulaires afin de retenir la rosée du matin et justement de protéger les vignes du vent. Voilà pour cette petite info météo locale. Pour les prévisions, eh bien, le soleil sera de la partie à partir de demain du côté de Lanzarote, pas de problème. 28 degrés attendus, 26 pour jeudi, 27 degrés vendredi, toujours du soleil. Nuages éclaircis pour le week-end avec 26 degrés samedi et 25 degrés dimanche. Donc on pourrait avoir la même température à Bruxelles qu'à Lanzarote ce dimanche. Ah bah c'est parfait ça, Lanzarote, c'est vrai que c'est sympa. En plus ça coûte pas cher d'y aller en avion. Il y a des vols depuis Charleroi, Bruxelles, pour pas trop cher. Et puis on ira boire du vin visiblement s'il y a des vignes. On ira le goûter au moins. Bon allez, pour terminer Nicolas, Olivier de Lambussard part à Bali en Indonésie. Quelle chanceux ou pas, ça dépend de vous, ça dépend de la météo. Ah bien, Olivier est de toute façon chanceux, hein, aller à Bali, à l'autre bout du monde, rencontrer une autre culture, et il n'a pas mal choisi sa saison, puisque la saison des pluies de mousson, c'est entre novembre et avril. Pour l'instant, la mousson est plutôt installée du côté de la péninsule indochinoise, là sur l'Asie du Sud-Est. Alors aujourd'hui, du côté de Bali, on attend 29 degrés, des averses se développant, éventuellement orageuses en fin de journée, et puis ce scénario, on va le retrouver encore ces prochains jours, jusqu'en fin de semaine. Des averses qui se développent dans le courant de l'après-midi et puis ces développements nuageux qui peuvent dégénérer en orage. 29 degrés au thermomètre encore jusqu'en fin de semaine. Et puis pour le week-end, la tendance aux averses orageuses sera moins marquée et on attend 29 degrés samedi à 31 degrés dimanche. C'est vrai que Bali, c'est un petit peu plus cher que Lanzarote. Merci Nicolas-Xavier Ladouce et à demain pour de prochaines météo des plages et des vacances. Voici le vrai amour, True Love avec Lily Allen, de grande voix puisque c'est la chanteuse Pink qui est sur Vivacité. You say sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad. I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love unknown, but I hate you, I really hate you so much. I think it must be true. On vous appellera en direct sur Vivacité pour vous offrir vos accès à Peridaisa, un pass familial, deux adultes, deux enfants avec notre jeu de plage. Mais tout de suite, on est carrément sur la plage. C'est l'heure d'accueillir Patrick Samoy, le créateur de Bailando, de Paradisio. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors ça fait plaisir de vous recevoir parce que quand même Bailando de Paradisio, en quelques chiffres, je vois que c'est 10 millions de vues sur YouTube, ok, 10 millions de streams sur Spotify, disque d'or au Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Russie, en Norvège, double disque d'or en France, en Belgique, en Finlande, en Italie, au Mexique, au Chili, au Venezuela ou en Argentine. Bref, vous avez votre maison à côté de celle de Patrick Hernandez. Ah bah écoutez, oui, c'est le tube d'un jour, tube de toujours. Ça c'est clair. Et c'est vrai que toujours actuellement, je veux dire, Paradisio et Bailando, ça n'a pas vraiment vieilli. Bah, écoutez, je ne sais pas si ça a réellement vieilli, mais bon, à partir du moment où c'est un titre festif, je pense qu'il a sa place dans toutes les séquences ambiances possibles et imaginables. Et je crois que par rapport à... Qu'est-ce que c'est la vieillesse par rapport à la musique? Je ne sais pas si on peut utiliser le mode vieillesse par rapport à la chanson, parce que toute personne qui a accordé une valeur à une chanson qui a accompagné sa vie, ouais. Oui, on parle de nostalgie, mais est-ce que c'est pour autant de la vieillesse pour de la musique? Je n'en sais rien. Non, et en même temps, on n'est pas sur nostalgie, nous sommes sur vivacité. Donc tout va bien. Bon, et d'ailleurs, vous êtes rentré en studio avec un nouveau titre qui s'appelle Vamos a la Playa. C'est quoi l'histoire de ce titre-là? En fait, j'avais deux amis lors du tube de Bailando. Deux amis à moi m'avaient proposé ce titre-là comme single suivant à l'époque, mm-hmm. que je n'avais pas accepté pour des raisons de maison de disques et autres. Ouais. Et il se fait que bon, les années passant et tout ça, j'avais promis que je le ferais, que je le sortirais un jour. Eux, ils ont fait leur petit bonhomme chemin de leur côté avec cette chanson-là, avec d'autres artistes. Mm-hmm. Par camaraderie, j'ai voulu produire ce titre-là sous la bannière Paradisio, étant donné que nous avons tous le même âge et que c'était pour les 20 ans, je veux dire, une forme de reconnaissance vis-à-vis d'eux, vu qu'ils avaient pensé à moi à l'époque. D'accord, eh ben on va écouter Vamos a la Playa maintenant, hein, on y va. Super. Allez hop. C'est un titre assez dense en fait. Hein. Oui, c'est vraiment destiné encore une fois à la fête, aux discothèques, aux DJ. Fidèle au canevas de Paradisio. C'est ça. On peut faire clignoter le studio, hein, Sylvain. C'est... Ah ouais, ouais. On est frappé dans les mains. Hein. Ouais, on a cette option en fait. Hein. Les mains en l'air. C'est vrai, hein. Mais je vous promets, je vais filmer d'ailleurs. On a vraiment le studio qui clignote. Vous voyez, ça c'est l'effet Paradisio, c'est ce que j'expliquais. C'est génial, et avec le studio qui clignote, je vous jure, il y a une ambiance de fou ici. Il faut la vapeur là. On reconnaît le festivalier. Oui, c'est surtout le mec qui rentrait chez lui à 14h du matin à l'époque. Hein, voilà. Et c'est sympa, c'est sorti, on peut l'acheter sur les plateformes téléchargement, j'imagine. Tout à fait, donc on a sorti le single extrait de notre Greatest Hit pour les 20 ans de Paradisio Bailando, étant donné que 1996-2016, nous voulions marquer le coup pour les 20 ans. Nous avons extrait de ce Greatest Hit Vamos a la Playa, qui est un titre d'appel. Vamos a la Playa, tout le monde à la plage. Quel est le titre qui qualifie le mieux Paradisio par rapport à son caractère festif et estival? Ouais. Donc voilà, c'était un choix avec nos collaborateurs de pouvoir justement avoir une locomotive pour le Greatest Hit. Et nous avons décidé de sortir ce titre-là pour l'été 2016. Quel est votre apéro ou votre cocktail préféré de l'été, Patrick Samoin? Cuba Libre. Le Cuba Libre, c'est du coca et du rhum, ça. Hein. Voilà, avec de la menthe. Donc, ouais. Avec ou sans glaçon? Avec des glaçons, parce que comme on en boit 3-4, ah oui, vaut mieux le diluer. Quel est votre plat préféré de l'été? Alors, moi, je suis un fervent consommateur de la paella. Ah oui. Et je suis très exigeant, parce que tout le monde ne sait pas faire la paella correctement. C'est quoi une vraie paella pour vous? Ah bah écoutez, c'est déjà avoir des fruits de mer ultra frais, hein, mmh. Donc ça c'est une règle. Et alors le grain de riz Il y a une spécificité que je ne connais pas, parce que ça, je ne veux jamais connaître les secrets culinaires, mais il y a une spécificité au niveau du riz utilisé. Je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent le secret et qui l'utilisent parfaitement bien. Il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Ouais, c'est clair. Voilà. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum ? Alors, sorbet fraise menthe. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique ? Alors là, ça va remonter à mon enfance parce que je suis marqué par les Ardennes, parce que j'ai vécu dans les Ardennes avec mes grands-parents à La Roche, en Ardennes. Ouais, belle région, ouais. Et alors, je vivais dans un petit village qui s'appelle Maboge, et le cerveau peut justement aller repuiser comme ça des ambiances d'enfance. Et paradoxalement, c'est un endroit qui m'a marqué dans ma tendre enfance, et c'est là mon lieu de vacances. Vous êtes plutôt camping ou hôtel ? J'ai été longtemps camping. En vieillissant, je suis plutôt hôtel. Très bien. Et votre meilleur souvenir de vacances ? Alors, mon meilleur souvenir de vacances, j'en ai beaucoup et je ne saurais pas vous le citer comme ça d'emblée. Vous partez cet été ? Non, je ne pars pas. On a beaucoup de promotions avec les festivals d'été, etc. Et moi, je prends toujours mes vacances au mois d'octobre. C'est ça, hors saison, finalement. C'est moins cher. Exactement. Et il y a moins de monde. C'est pas que c'est moins cher, c'est que j'ai beaucoup de travail durant l'été en ayant été producteur de tubes d'été. Oui, c'est vrai. Mai, juin, juillet, août, septembre. C'est la haute saison, là. C'est la haute saison pour les festivals d'été à travers l'Europe. Eh ben super, merci beaucoup Patrick Samant, on vous souhaite plein de succès. Tiens, on peut vous donner rendez-vous où ça sur Facebook, sur Internet. Donc nous avons malgré que Paradisio existe depuis plus de 20 ans, nous avons quand même les canaux modernes du community management. Donc nous avons notre page Facebook Paradisio Bailando, tout simplement. Nous avons notre page qui informe les gens qui s'intéressent à notre musique, et bien entendu donc la distribution digitale sur toutes les plateformes connues. Le Greatest Hit sortira en physique également à partir de la rentrée. On sort le Greatest Hit en CD pour les nostalgiques et pour les gens qui accordent encore de la valeur au CD. Eh ben super, merci beaucoup Patrick, et puis merci, bon été à vous. À bientôt. À bientôt, merci. Qu'est-ce qui nous prend ? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Sentir un peu con, on n'a pas le bagage qu'il nous faut. Ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. On est bien comme ça. On est bien comme ça. On s'en fout. Des ampoules et des cailloux dans les choses, tant qu'on tient debout. On s'en bat la distance et puis tout ça. Ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. On est bien comme ça, c'était Vianney sur Vivacité. On est bien comme ça.

dans ton lit, j'ai connu des va-et-vient. Et la fièvre coulait sur ma peau. Dans ton lit, je suis tombée à la renverse. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. La main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. La main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. Paradis secret, c'était Jennifer. Elle est troublante, hein, cette chanson, n'est-ce pas, Sylvain? Bon, allez, on vous appelle maintenant pour vous offrir le Peridaisa, deux entrées, deux adultes, deux enfants. Hein, voilà, Cambron Casto, en espérant que ça marche. Bonjour! Bonjour! Bienvenue sur Vivacité! Ah oui, je vous entends, je change de pièce. Vous voilà. Changez de pièce, vous passez de la cuisine au living, du living à la cuisine, de la chambre à la salle de bain, dites-nous tout. De la cuisine au living. De la cuisine au living, dans quelle région êtes-vous? Vielsalm. Ah, c'est une belle région ça. Ah oui, très belle. Il y a pas mal de camps scouts, hein, je pense à Vielsalm près de chez ah, vous. Ah oui, oui, tout à fait. Bon. Donc c'est un peu les vacances, mais vous partez quand même cet été ou pas? Ah, nous sommes déjà partis, on est au travail, on recommence. Ah. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis kiné. Kiné, ah. J'ai justement une petite douleur au cou, ça veut faire quelque oui, chose. Ah oui, c'est souvent ce qu'on me dit. Je pense que j'ai un torticolis. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, eh ben, bienvenue à vous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, à condition que vous me donniez la bonne réponse. Oui. Je vous emmène à Peridaisa si vous me dites qui se cache derrière cette seconde. C'est Serge Gainsbourg. Et on va voir. Oui. C'est la bonne réponse. Avec 6 Sex and Son. Eh ben voilà, c'est gagné. Peridaisa, vous irez avec qui, Sylvie? Ben avec mon mari et mes enfants. Ah, eh ben écoutez, amusez-vous bien. Vous avez beaucoup d'enfants? J'en ai 3. 3? Bon, il faudra payer pour un. Hein. Il n'y a pas de souci. Ou dire qu'il est trop petit, que lui, c'est gratuit. Hein. Il fait 1m80, voilà. mais il a 2 ans, vous savez. Voilà, c'est ça. Non, ça risque de pas fonctionner. Bon, allez. Passez un bel après-midi, merci d'écouter Vivacité. Merci à vous aussi. Et donc, ça veut dire que dans la salle d'attente chez vous, vous mettez Vivacité. Donc les gens qui viennent se faire masser écoutent Vivacité. Voilà, exactement. Eh ben écoutez, pour qu'ils soient vraiment zen, je propose un Phil Collins, qu'en dites-vous? Oui, très bien. Voilà, donc avis à toutes les personnes dans la salle d'attente de chez Sylvie. Avant de vous faire masser, voici Phil Collins. Et merci à vous. One More Night. I'm Dans quelques instants, Émilie de Kegel nous dévoilera le top 3 d'Australie, ce qu'on écoute là-bas cet été. Et juste avant, nous parlerons du beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. C'est les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir, rêvez Seat. Pensez Seat CHU. Garage Seat CHU à Chenet et à Herstal au rond-point Coron-Meuse. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat CHU, le service en plus. Vivacité présente Flamme. Du 11 au 13 août, au château de Beaumale. Une balade théâtrale familiale, magique et bucolique, illuminée de plus de 1500 bougies. Chaque soir, concerts folk, produits régionaux, animations et feux d'artifice. Info www.flamme.be avec l'avenir et la Wallonie. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Konnichiwa. Tu m'emmènes au Japon cet été? Mieux, je t'invite sur la Grand Place de Bruxelles. Du 12 au 15 août, le 20e tapis de fleurs de Bruxelles fête 150 ans d'amitié belgo-japonaise. Infos et tickets sur flowercarpet.be. Avec la région de Bruxelles Capitale, la ville de Bruxelles, la Loterie Nationale, la Une et Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous en selle pour découvrir mon Namur. Rendez-vous ce 13 août, on brunch sur la plus grande citadelle d'Europe, et puis on pédale vers Malone, Bois de Villers et les bords de Meuse. À l'arrivée, concert gratuit de BJ Scott and Friends. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et ce sera samedi, on va tout de suite retrouver Adrien Jovenot au beau vélo de Ravel pour nous en dire plus sur cette 8e étape. Que faites-vous Adrien? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je prépare avec vous évidemment l'étape namuroise, l'étape sur les sommets de la citadelle où nous serons samedi 13 août. Christine Laverdure, bonjour. Bonjour. Vous préparez vous aussi un d'arrache-pied cette animation qui sera au cœur de la plus grande citadelle d'Europe, hein, la citadelle de Namur, on peut le dire, Cocorico. Oui. Cocorico, effectivement. Oui, on vous propose de découvrir le nouveau centre du visiteur Terra Nova. C'est un centre qui a ouvert maintenant depuis un an. Et on y découvre en fait les 2000 ans d'histoire urbaine et militaire de la citadelle à travers tout un parcours avec énormément de documents d'archives, des plans, le plan relief, la copie du plan relief, des projections audiovisuelles. Et donc on part de l'origine du site, donc avec toute la formation géologique, pour arriver à une réflexion sur les villes occidentales. Donc c'est vraiment dans une scénographie tout à fait originale que nous vous invitons à venir découvrir dans le cadre du beau vélo de Ravel. Un petit train touristique viendra vous chercher sur l'esplanade toutes les heures pour 6 départs. D'accord, donc même si on ne pédale pas, on peut s'amuser, on peut découvrir. Ce sont des animations gratuites que vous proposerez. Exceptionnellement gratuites, ouais. Oui. Petit train touristique à travers la citadelle, la route merveilleuse, la route des panoramas, on va prendre les deux. On va prendre le petit train et vous allez aller directement découvrir le centre du visiteur parce qu'on peut y passer bien 1 heure, voire 2 heures. Donc ici, on a programmé 40 minutes dans le centre du visiteur et donc on ne va pas perdre de temps en petit train directement à Terra Nova. Voilà, voilà. Terra Nova qui a été entièrement rénovée. Oui, qui a été entièrement rénovée. Donc, on a de nouveaux outils, le centre du visiteur, le Made in Namur, un espace de promotion des produits de terroir namurois que j'invite tout le monde à venir découvrir et peut-être acheter quelques produits et souvenirs alimentaires. Les abords de Terra Nova et pour 2017, la scénographie des souterrains de la citadelle, septembre 2017. Donc nous proposons une scénographie, pas une nouvelle parce qu'il n'en existait pas. On pouvait visiter les souterrains en compagnie d'un guide, on le fera toujours, mais le guide va devenir le chef d'orchestre d'une superbe animation. Bon, ben, beaucoup de choses à voir à la citadelle de Namur. En attendant, samedi, le 13 août, je vous signale que je serai sur le tandem avec Christophe Bourdon, Namurois bien connu, et qu'à l'arrivée, il y aura BJ Scott et tous ces talents de l'émission The Voice, dont Tima, la maman de Boris Mott, à applaudir ce 13 août à Namur. Merci Christine Laverdure. Merci beaucoup. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Oula, et on est directement là sur le top hit parade USA. Émilie est là, oui. Vous êtes prête pour l'Australie. Hein. Oui. Là avec Calvin Harris, nous sommes sur la première marche du podium, donc c'est le troisième du hit USA avec This Is What You Came For. Deuxième, c'est One Dance. Vous tenez bien au niveau de l'accent, Stéphane. Va falloir que vous repassiez en septembre. Pourquoi j'ai dit quoi? Mais vous l'aviez dit à la française. Mais quoi? Vous avez dit This is what you came for. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai si. Dit This is what you came for. Ok. Bon alors, One Dance, number two. C'est One Dance, ça. C'est Drake, oui, avec Kyla aussi. Et le numéro 1, c'est Cheap Thrills de Sia et Sean Cheap. Paul. C'est Cheap. Bon, ça c'est voilà, ce qui caracole en tête du tip-top américain préparé, bien sûr. Et vous avez alors c'est une bonne une bonne transition, puisqu'effectivement Sia, cet artiste connu de manière internationale et qui cartonne partout, est australienne à la base. Alors est-ce qu'elle cartonne dans son propre pays? Je peux déjà vous dire que non. Oh. Mais on va d'abord se mettre dans une ambiance australienne, si vous voulez bien. Ouais. Voilà, je vous emmène en plein cœur du bush. Avec justement un instrument à vent qu'on fait avec sa bouche, ça s'appelle un didgeridoo. Donc c'est un grand bâton, ça demande quand même un petit peu d'effort pour le faire, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça c'est un bruit typique des aborigènes d'Australie, les bushman, que ça peut être repris aussi sur les titres d'aujourd'hui, mais ils ne le sont pas, ces sons-là ne sont pas repris sur le podium du hit australien, avec à la troisième marche du podium, un groupe hyper connu qui s'appelle Major Lazer, qui s'accompagne toujours d'un artiste, et en l'occurrence c'est Justin Bieber. On dit Major Lazer. Major Lazer. Major Lazer. Et Justin Bieber. Yes. Alors, j'ai pas le titre devant les yeux, mais voilà, en même temps, ça ne caracole pas encore chez nous, mais ça ne saurait tarder. À mon avis, ça va arriver à la rentrée. Bah, surtout que les deux sont connus chez nous. À la fois Major Lazer et Justin Bieber. Ouais. Alors, en parlant de deuxième, pas tellement connu chez nous encore, il s'appelle Illy. Illy. Et Illy bien. C'est le café, ça, Illy, non? Là encore, plusieurs artistes qui se mettent ensemble pour faire un carton. Donc ça, c'est la deuxième marche du podium. Et sur la troisième, eh bien, on retrouve un groupe qui était également présent dans le top 3 en Inde, c'est Chainsmokers. Ça, c'est un son qu'on connaît chez nous. Ouais. C'est très sympa. Ouais, voilà ce qui se passe du côté de l'Australie, que ce soit Sydney, Melbourne, Brisbane, tout ça. Il danse là-dessus. Il nous reste à trouver votre défi pour demain. Un pays vite fait, Sylvain ? Croatie. Croatie. Voilà. Demain, voilà. Croatie, Émilie. Et puis dans un instant, eh bien, ça va être très sympa, puisqu'on va bronzer en votre compagnie dans l'été du bon côté après le journal. Oui, mais on va bronzer en toute sécurité. Vous allez voir, vous allez prendre des couleurs sans prendre de rouge. Ouais, c'est bien pour bronzer aussi, ça. Allez, voici Nicolas Xavier Ladouce, la météo sur Viva. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Très bon mercredi à tous. Nuages, éclaircies et averses en alternance pour cet après-midi. Un coup de tonnerre également possible. Le temps va s'améliorer au littoral. Le ciel s'ouvrir, le temps devenir plus sec. Et cette accalmie va gagner le centre du territoire en fin de journée. Et puis le sud du Sien-Sambre-et-Meuse finalement en cours de soirée. Le vent sera modéré de nord-ouest et l'air d'origine polaire donnera tout au plus 13 à 14 degrés en Ardennes, 16 à 17 degrés ailleurs. Autrement dit, 5 à 6 degrés sous les normales. Ensuite, la nuit prochaine sera très froide. 3 à 5 degrés côté Ardennais, 7 à 12 degrés ailleurs. Brumes et brouillards pourront se former en Haute-Belgique en fin de nuit, alors qu'un voile nuageux commencera à rentrer dans les terres par le littoral. Et puis pour demain, une journée assez grise dans l'ensemble. Quelques faibles pluies aussi sur le nord du pays. Les maxima un peu plus élevés afficheront 14 à 19 degrés. En télé sur la Lune. Devoir d'enquête spécial été. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Il n'est pas dangereux, il est super dangereux. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Le ministre de l'Intérieur va rappeler formellement à tous les commissariats de police les règles élémentaires de prudence. Dès septembre, il pourra exiger que chaque policier porte son arme en permanence. C'est ce qui ressort entre autres de la réunion de ce matin entre les syndicats des policiers et le cabinet du ministre de l'Intérieur. Reste un souci, il n'y a pas de budget pour adapter la sécurité quand ce sera nécessaire. Le litre de jus d'orange risque de coûter plus cher à l'avenir. Les producteurs d'oranges en Floride ou au Brésil sont confrontés à la bactérie du dragon jaune. Elle